Chapitre 13. Le lendemain, je fis à Jean-Marie la visite promise. « Bonjour, roi de la mer, je viens pour la voile. »« Voile ?» Il avait déjà tout oublié. « Le voilà, entre !» hurla Jean-Marie. Rose Hare n'était pas là, mais dans le coin pendait une robe noire brillante. « De la soie de première finesse, dis-je. » Et le roi de la mer sourit, flatté. La petite salle étroite ne possédait qu'une unique lucarne carrée au fond d'une niche. Les lits clos se trouvaient sur les grands côtés, derrière de petits rideaux propres. Ils avaient l'air de théâtres de marionnettes. Une table et des bancs autour, le long des murs, c'était tout l'ameublement. Au-dessous d'une niche, renfermant une madone en plâtre colorié, était épinglée cette sentence, et les pêcheurs passaient leur vie avec cela devant les yeux. Armaro, azo et urmomen terrible, evit arbererien, galvet, in ractal dirog, ar barner sauverain. La mort est un moment terrible pour les pêcheurs, car ils sont tout d'un coup appelés devant le juge céleste. Jean-Marie nous versa du vin. Le vin était d'or sombre. Qu'était-ce donc que ce vin-là? Ce petit vinot vient d'un naufrage, mon ami. Le roi de la mer disparut et rapporta, Dieu sait d'où, un petit cabinet de lac japonais qui, le diable m'emporte, avait 1000 ravissants petits tiroirs. Naufrage! Oui, dans le temps, alors les bateaux venaient, quand les phares et les sirènes n'étaient pas encore si perfectionnés. Bien des fois, il en venait 2, 3 dans une seule nuit, on n'avait qu'à se baisser. Mais maintenant, la vie devenait de plus en plus difficile. Et tout à coup, je vis que la table à laquelle j'étais assis était pourvue d'un rebord circulaire et que les pieds avaient en bas des ferrures pour les visser au parquet. « Qu'est-ce que tu dis de ça ?» Le roi de la mer sourit malicieusement. Sans doute, il avait encore bien d'autres richesses cachées quelque part. Nous allâmes chez Joël. « Alors tu veux payer la toile ?» demanda Jean-Marie à moitié chemin, en se plantant devant moi les jambes écartées. « Oui !»« Payer pour de bon ?»« Pour de bon ?»« Eh bien, mon vieux, en route !» Jean-Marie s'approcha du marchand d'un air provoquant et lui hurla en pleine face « Je voudrais acheter de la toile pour une voile, Joël !» Le Rubicon Joël n'avait pas de hâte. Il haussa les épaules et dit d'une voix basse et chantante, en regardant la fenêtre avec un sourire sarcastique, « Oh, mon vieil ami, c'est un principe chez moi de ne pas vous faire crédit d'un sou à vous autres pêcheurs. » Mais Jean-Marie, qui pouvait à peine voir par-dessus le comptoir, me montra du doigt et criant « Mon ami, paie !» Puis il s'essuya la sueur du front. Le petit roi de la mer tremblait de tous ses membres tant il était ému. Aussitôt, Joël déborda d'amabilité et d'empressement. « Ah, ça change la thèse !» Il traîna des ballots de toile, il apporta des verres et des bouteilles. Alors commença le travail du roi de la mer. Il examina les ballots, il ôta son béret graisseux et le remit, puis il avala un verre de goutte à la régalade. Il éprouva le tissu entre ses doigts, le déchira, le gratta, le regarda par transparence. Il tira les fils un à un et les cassa. Pas trop léger, pas trop lourd, pas trop mince, pas trop épais. Puis il but de nouveau une goutte, et encore une, il bégayait. Il trébucha contre un sac de farine, s'essuya le front et dit qu'il reviendrait le lendemain. Ce ne fut que le troisième jour qu'il put se décider, et il calma son énervement avec un tel nombre de gouttes que, sa toile sous le bras, il donna contre un rocher au beau milieu de la lande, chavira, et resta étendu à terre. Chapitre 14. Je rencontrai Rose Hare à proximité du village à la tombée de la nuit. Elle portait une grosse miche de pain sous le bras. Créache allumait juste son feu. Dans sa tête de verre, il y eut une lueur, comme quand on prend dans sa bouche un tison d'allumette et qu'on la tise, puis il cracha de courts éclairs violets qui piquaient le crépuscule comme des aiguilles affilées. La mer était déjà sombre. « Vous avez manqué vous noyer l'autre jour. Il s'en est fallu d'un cheveu. » dit Rose Hare de sa voix chantante. Elle cala la miche sur sa hanche droite, je me mis à rire. « Ce n'était pas si dangereux, dis-je. » Rose Hare balançait la tête avec un sérieux d'enfant. Jean-Marie avait déjà abandonné tout espoir. Il connaît la mer là-bas, personne ne la connaît mieux. Et puis tu nages dans les rochers, cela t'est absolument égal que la marée monte ou descende. Mais il y a des tourbillons et des courants, et la mer peut t'emporter. Amoric de Créache dit « Moi, je n'ose positivement plus le regarder. » Pourquoi fais-tu ça ? Oh, je ne nage pas quand la marée est très forte. Tu ne connais pas la mer ? Continua Roseur. Il faut prendre garde. Je souris. La sollicitude de Roseur me touchait. C'était une enfant. Prendre garde ? Oui, à la mer. Je voudrais bien savoir pourquoi tu vis dans l'île, continua Roseur. Pour entendre la mer et pour prendre du poisson, Roseur. Elle ne comprenait pas cela. N'as-tu ni parents, ni frères, ni sœurs ? Non. Et pas de femme ? Non. Mais tu as bien des amis ? Non. Je suis par voies et par chemin depuis des années, et il y a longtemps que mes amis m'ont oublié. Roseur secoua la tête. Le chef de la poste dit que tu es un espion anglais et que tu veux découvrir les endroits où ils pourraient aborder dans l'île avec leur vaisseau de guerre. Mais ce n'est pas vrai. Tu as peut-être fait quelque chose et tu ne peux plus retourner dans ton pays. Je me mis à rire. Ou bien tu as été très malheureux dans ton pays et c'est pour ça que tu l'as quitté. Non, ne crois pas cela, Roseur. J'ai au contraire été très heureux. Oui, personne ne comprend pourquoi tu vis ici, ici où il n'y a rien. Je me plais ici. Roseur ne savait plus quelle question poser. Son visage était maintenant devenu tout sombre. Seule sa coiffe était encore lumineuse. « Les nuits sont si belles et si chaudes maintenant, Roseur. Tu devrais entendre le vacarme que font les grillons la nuit à la villa des tempêtes. » Roseur se tourna un peu et eut un petit rire silencieux. Je voyais le blanc de ses yeux et ses dents. « Kenavo, » dit-elle alors. « Kenavo !» Chapitre 15. La nuit, il n'y avait rien que l'obscurité, le battement de la mer, la lime des grillons, et mes aspirations vers des choses inconnues et impossibles. La terre était noire et la mer, et j'étais seule. La mer déferlait et tonnait sans cesse, et pourtant ma cabane était tellement silencieuse que j'entendais le fin martèlement sonore des araignées dans les murs. Il éclairait continuellement. Toutes les 7 secondes, le couteau étincelant de créanche traversait la nuit 2 fois, coup sur coup, tranchait la petite fenêtre, tranchait la cabane, et moi, je n'y faisais plus attention. Dans les nuits claires, j'ouvrais la porte, le parfum entêtant de la mer entrait à flots. Dans la porte s'encadrait le ciel d'un bleu profond, avec ses constellations scintillantes. Je sortais devant la maison, je faisais quelques pas dans l'herbe humide, et laissait errer mon regard sur la coupole infinie du firmament. Parfois un météore tombait lentement dans la mer et l'illuminait, et quelque part là-bas sur l'eau il y avait une petite lumière rouge ou verte qui cheminait. Mais de l'autre côté de la baie, dans les rochers, les coups de lumière de créache filaient à perte d'haleine, comme des rapides de l'enfer, éblouissants de clarté, qui à raison de 1000 par heure s'enfonçaient dans l'infini. Alentour régnait un silence de mort et je rentrais chez moi. Mais écoute, n'entends-tu pas ? Quelque chose marchait dehors, tantôt près, tantôt loin, quelque chose de silencieux et d'invisible, mais je le sentais tandis que j'étais assis près de mon feu. Ainsi donc, il y avait encore quelque chose ici, en dehors de moi ? Était-ce un marin défunt qui sortait de la mer et se glissait vers sa cabane pour épier par la fenêtre ? Qu'était-ce ? Écoute. Et parfois je pensais à l'étrange mot de la Bible. L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Lentement la nuit tournait, de nouvelles constellations apparaissaient dans la porte. Je jetai dans le feu une poignée de goémon sec, c'était tout ce que je faisais dans une heure. Les mouettes stridaient, la mer descend, pensais-je, les mouettes partent à la pêche. La mer respirait, épuisée. Puis le premier grondement roulait sur le rivage. C'était le flux qui revenait. Et j'étais assis, et j'entretenais ma pipe, et je souriais de temps en temps, quand une belle vision apparaissait dans le feu. Oh, je m'entendais à jouir de ma solitude, à fond. J'étais si seule, si magnifiquement seule. Ah ah, Poupoule dormait devant la cheminée et faisait siffler l'air dans ses narines comme dans des soupapes. Quand je lui adressais une parole, il battait de son tronçon de queue et ouvrait un œil ensommeillé. « Dors, Poupoule !» Alors il rampait plus près, posait la tête sur mon pied et continuait à dormir. Parfois, je me levais et j'aiguisais mon regard comme si je regardais quelque chose, tout là-bas, dans le lointain. C'étaient des hommes que je voyais, les hommes que j'avais connus avant les temps. J'étais si éloigné d'eux maintenant. et de nouveau je me levais et regardais dans le lointain. C'étaient des pensées que je voyais, mes anciennes pensées d'il y a des années, si lointaines, si petites. J'étais bien éloigné d'elles maintenant. Je sortais et je regardais au loin sur la mer sans sommeil. Un éclair vertical fendait la nuit en deux parties, comme si elle eût été un bloc de charbon brillant. Sur la mer, il y avait deux voix lointaines qui criaient et se répondaient, mais on ne pouvait rien voir. Une haleine faisait le tour de la maison et se tenait près de moi comme un esprit. Un ruissellement dans un rocher, entends-tu ? Le rocher se fait vieux. Sur la mer, sans sommeil, une étincelle se balançait de ci de là, et très loin une autre lui répondait, deux navires qui faisaient la conversation. Une nuit, le vent se mit à souffler. Je retins ma respiration. Au-dessus de moi murmurait le vaste espace. Là-haut, c'était un bruit de foule et de lutte et de mort magnifique et sauvage. À l'entendre, mon cœur battait. Je sortis. Le vent me prit dans ses bras et me hurla dans l'oreille qu'il était mon compagnon. Il mugissait autour de moi et soudain il attisa dans ma tête une merveilleuse idée. Oui, nous allions mesurer nos forces aujourd'hui, tout de suite. Et je descendis à la mer, résolu à relever son défi, quoi qu'il advienne. Le vent me hurlait à l'oreille, oui, oui. La mer était d'un noir lumineux et les crêtes d'écume tourbillonnantes étaient d'un blanc de neige, avec des flammèges incandescentes à l'intérieur. Sur les rochers, la vague se brisait en milliers de diamants. En tronc, je m'enfonçais dans le feu vert et j'étais moi-même comme un esprit incandescent qui se mouvait dans la mer nocturne. En bas étincelait et scintillait comme une forêt noire pleine de vers luisants. À chaque brasse, des gerbes de feu jaillissaient et mes bras étaient couverts de globules phosphorescents. Je me jetais à la rencontre de la lame et quand elle arrivait, je levais le poing hors de l'eau et je la frappais au visage. La lame me soulevait comme un copeau, mais je me transformais en une hélice tournoyante et j'avançais. Quand je plongeais, tout devenait silencieux autour de moi. Quand je remontais, mes oreilles s'emplissaient de hurlements et de vacarmes. Sur ma paupière, un corpuscule lumineux s'était fixé, et je percevais à travers ma paupière une lumière tamisée. J'étais de retour, je me dressais fumant, je m'étais offert à la mer, mais elle n'avait pas voulu de moi. Ma poitrine jouait tranquillement et mes bras ne tremblaient pas. Je regardais au loin sur la mer obscure. Le vent hurlait et me promettait la gloire, la richesse et mille belles femmes. Mais je riais. « Merci, garde tout, » disais-je. Je n'avais besoin de rien. Ça allait comme ça. À 7 minutes, j'étais sans désir. Comme il faisait étouffant dans ma maison maintenant, je me fis un grog et sortis ma lecture. Toute ma bibliothèque consistait en un numéro du New York Herald, European Edition, que j'avais par hasard apporté dans ma poche. Il était jauni et sentait le sel, et chaque fois il en sortait quelques araignées. Je le savais par cœur, article par article, y compris les annonces. Mais je le relisais sans cesse, et j'éprouvais une impression de solennité chaque fois que je le déployais. C'était le monde, mesdames et messieurs, le monde en chair et en os, avec une auréole et des mains rouges de meurtrier. Oui, c'était trop drôle. À la tienne. À la page 1, le pape était encore au lit. Il gardait le lit, à cause d'une légère douleur rhumatismale dans le genou droit, pas dans le gauche. Le diable m'emporte. Je souhaite à sa sainteté un prompt rétablissement. À la même page, un vieux singe chamarré claquait des badigoins, et tout autour de lui les autres singes battaient de la queue en signe de soumission. « Tu deviens vieille Europe, et tu commences à sentir. » On secoua ma porte, on frappa, et je tournai la tête. « Entrez ?» Personne ne répondit. Une voix grêle comme celle d'une âme grelottante vagissait là-haut à la porte. J'en aimais davantage Bobby, le nègre que l'on avait exécuté dans l'état d'Ohio. « Oh non, arrière, Bobby n'a pas besoin de consolation spirituelle. Il va en enfer pour un but déterminé. Puisqu'il le faut, à la tienne, Bobby. D'ailleurs, que dis-tu de ceci ? Entre l'Allemagne et l'Italie, un grand froid règne pour le moment. Et ce génie qui rumine de la pâte à papier et qui a la gueule toute noire d'encre d'imprimerie pose la main sur le cœur des États et constate un grand froid. Et chameau de papier. Je vais boire un grog brûlant, car ce grand froid entre l'Allemagne et l'Italie me fait claquer des dents. » La pluie crépita sur mon toit. Quelqu'un picota à la lucarne et un visage regarda à l'intérieur en me faisant des clins d'yeux. Mais je ne m'en souciais pas. J'étais habitué à ce que des visages regardassent chez moi la nuit. La voix grêle bourdonnait maintenant au ras du sol à travers les fentes de la porte. Puis Créage fit entendre son beuglement dans le lointain. La brume. Je jetai du varech dans le feu. Alors je me lançai dans les annonces. En un tour de main, j'engageai 33 chambermaids, governesses, pas plus de 20 ans. Traitement délicat garanti. Et là-dessus, je disparus sous terre avec la rapidité de l'éclair pour arrêter un chef de cuisine, 94 rue de Longchamp. Je fis rage dans les entrailles de Paris, émergeai à la lumière du jour, me hissai sur un autobus et naviguai entre les balcons et les enseignes, et les gens en dessous étaient emportés dans le courant. Hélas, mon chef de cuisine venait de sortir, et je l'attendis dans un café où je rencontrai une jolie fille. Otto, et nous voilà partis sur les étincelants lacs d'asphalte de Paris. Chapitre 16. Mais une nuit, comme de nouveau je lisais, un visage regarda à ma fenêtre, et ce visage portait une coiffe blanche. Poupoule se mit à aboyer. Je mis le hérald de côté et j'ouvris. « Ah, c'est toi, Rose Eyre ?»« Oui, c'est moi, » dit-elle, hors d'haleine. « Je viens. Jean-Marie est malade. »« Qu'est-ce qu'il a donc ?»« Il parle et il rit. Il a la fièvre. Viens le voir. » Nous traversâmes rapidement la lande. Jean-Marie était couché dans son lit clos et m'accueillit par un éclat de rire. « Huhuhu ! Allô, Jean-Marie, tu ne me reconnais pas ?»« Non, il ne me reconnaissait pas. » Un air lourd, brûlant, chargé d'alcool, sortait de ses oreillers. Rose Eyre éclairait avec un bout de chandelle qui lui coulait sur les doigts, et je vis que Jean-Marie avait les yeux ouverts. Il riait et divaguait. « Que dit-il donc, Rose Eyre ?» Il dit « Sors, mon trésor, il pense aux poissons. » Le roi de la mer n'était pas simplement ivre, il avait aussi une forte fièvre. Qu'y avait-il à faire ? Nous lui posâmes des compresses sur la tête et sur la poitrine, et il ricana de plaisir en sentant l'eau froide. Rose Eyre tremblait. « Ce n'est rien de grave, Rose Eyre. »« Non, je ne crois pas. » Alors, nous nous assîmes et nous attendîmes. Rose Eyre colla le bout de chandelle sur la table, et le suif coulait et s'égouttait sur le plancher. La mèche tomba dans le suif et s'éteignit. Maintenant, il faisait tout à fait noir. « Hu, hu, hu !» ricanait le roi de la mer. Je posai ma main sur le sein menu de Rose Eyre. « Rose Eyre !» Elle se pencha vers moi et mit les mains autour de mon cou. « Une bonne pêche, mon vieux, mon vieux !» hurla Jean-Marie. Et il rit. « Mais Jean-Marie !» murmura Rose Eyre. « Oh, il ne peut pas nous voir. »« Hu, hu ! Sacré nom de Dieu ! 30 sous !» 40 !»« Uhu !» ricanait le roi de la mer dans son lit clos. Rose Eyre tremblait de tout son corps. Elle faisait des gestes de démente, pleurait et chuchotait, et couvrait mon visage de baisers rapides. Puis elle me baisa les mains et les pieds 100 fois. « Mais au corps !» murmurait-elle. « Bonne nuit, Rose Eyre !» Elle m'accompagna jusque devant la porte. « Bonne nuit !» Elle souriait, et sa poitrine respirait encore tumultueusement. Mais, comme déjà j'étais partie, elle me rappela encore une fois. « Écoute, » dit-elle, « ne pourrais-tu pas me prêter 100 sous ? J'ai une vieille dette. » Elle bégayait. « Non, pas 100, 50, 20 sous. » Le soir suivant, on frappa de nouveau à ma fenêtre. Rose Eyre était devant ma porte. Elle était venue pour me dire comment allait Jean-Marie. « Il va bien, oui. Demain, il va de nouveau sortir. Ne veux-tu pas entrer, Rose Eyre ? » Rose Eyre se mit à rire. « Oui, eh bien, entre !» Quel vacarme faisaient les grillons autour de la villa dans ces nuits d'été. Yann avait beaucoup à faire là-bas, à la côte. Il fallait qu'il aille chercher le charbon pour Créage. Quand le soir tombait, je restais habituellement assis devant ma porte, sur la pierre, qui était encore chaude de soleil, et je me jouais un air sur ma flûte. Chapitre 17. Puis vinrent les grandes tempêtes, et tout changea. Ce fut la faute des grandes tempêtes. Un matin, je m'éveillai avec un sentiment de détresse. J'avais peine à respirer. Je sortis pour voir si par hasard le ciel n'était pas descendu à hauteur d'homme et si ce n'était pas lui qui pesait sur l'île. Tout était calme. Les herbes, la mer, l'air. Sur la mer traînait le long nuage de fumée d'un vapeur qui était déjà disparu, et ce nuage de fumée aussi restait immobile. Un ciel gris, sénile, laissait tomber son regard sur la terre où était passée la vie. Une heure plus tard, tout changea. Les mouettes furent les premières à pressentir la fête. Elles décrivaient de vastes cercles rapides, le ventre à fleur d'eau, et criaient sauvagement. À l'horizon s'éleva un banc de nuages ternes, plombés, mais très vite, comme s'ils sortaient d'une trappe, et à mesure qu'ils croissaient, ils devenaient de plus en plus sombres, presque noirs. Des haillons blanchâtres de nuages verticaux volaient devant lui, la mer devint sinistre et se fronça comme le front d'une bête sauvage qui perd patience. Les ailes des mouettes rapides voletaient d'un blanc de craie devant le nuage sombre. Les hirondelles de mer faisaient des lignes zigzagantes autour des rochers, roucoulant et tintinabulant. Sur un récif se tenait un héron cendré. Il regardait le large et de temps à autre il battait des ailes. Mon cœur battait à grands coups. Soudain, un coup de vent passa sur nous en sifflant et l'île fut enveloppée d'un énorme nuage de poussière comme si elle s'évaporait en fumée. Les herbes se couchèrent à plat sur le sol, des grains de pierre vrombissaient dans l'air. C'était elle. Quel était ce chant de par tous les dieux? C'était la chanson du chaos, alors qu'il n'y avait encore rien que l'eau noire et la pierre nue. C'était le chant de bataille des géants primitifs qui luttaient pour la possession de la terre et de la mer et qui s'entrecrasaient. La mer grondait sourdement, les récifs cornaient, et le vacarme se fondait en un mugissement caverneux et bourdonnant qui ébranlait tout. L'air tourbillonnait, l'atmosphère frémissait, l'air ronflait comme un gigantesque ventilateur, vous arrachait la chair des os, vous tiraillait les paupières et les lèvres, vous retournait les oreilles et vous pliait le nez, selon son bon plaisir. Tout autour, la côte était couverte d'écume jusqu'en haut et semblait enfouie sous la neige. Les récifs en mer portaient d'ondoyants panaches de généraux. La mer était tigrée jusqu'à l'horizon. Quelques flottantes crêtes d'écume neigeuse, séparées par de la nuit et rien de plus, c'était là toute la mer. Les crêtes d'écume faisaient rage contre l'île. Plus elles se rapprochaient, plus elles s'animaient. C'étaient des rangs de chevaux blancs aux crinières flottantes, aux naseaux écumants, piaffant de leurs pattes de devant. Ils galopaient vers les rochers, bondissaient en l'air, hennissaient, secouaient leurs crinières et retombaient à la renverse dans la mer, fracassés. Et instantanément, le rang suivant galopait à son tour. Hoï, hoï, hop, hop, le vent les fouaillait et de toute leur force ils accouraient, grimpaient et se fracassaient. C'était elle. Paternoster, c'est elle. Que dois-je faire? Dis-moi le chant que je dois entonner. Dois-je chanter le diable vert de la mer endormie dans ses profondeurs qui, tout à coup, a émergé et tourne comme une toupie furieuse? Poupoule sauta auprès de moi. Je le saisis par le cou et je l'étranglai. Prends garde, Poupoule, ne vois-tu pas que je suis un assassin? Et je partis en criant dans la tempête. En bas, au port, hommes et femmes étaient sur pied, haillons de drapeaux ondoyants, tous effarés et blêmes. Une femme courait de ci de là, criant et se tordant les bras. Son homme était sorti cette nuit et pas encore rentré. Chaque lame submergeait les murs de granit de la digue et soulevait en se jouant les lourds anneaux de fer qu'elle faisait cliqueter. Des murailles entières d'eau s'écroulaient sur nous. Sur la digue se trouvait un bloc de granit taillé qui devait servir d'ancre à une bouée, haut et large d'un bon mètre. Il gênait la lame, et brusquement elle le souleva, et sans plus de façon le précipita cul par-dessus tête, à bas de la digue. En hâte, on avait rentré le bateau-poste dans le port intérieur. Sur le pont, les matelots couraient de ci de là en braillant et tiraient les cordages. Le commissionnaire était enchaîné comme un fou furieux, avec des chaînes, des câbles d'acier, des cordages. Mais il hennit de plaisir, se cabra, arracha ses liens, et brisa en mille morceaux la poupe de la Notre-Dame de l'île qui se trouvait derrière lui. Là-bas, dans la baie en folie, le petit vapeur de Yann tanguait sur ses chaînes. « Bien du plaisir, Yann !» Alors, tout d'un coup, j'aperçus aussi Rose Eyre. Elle était assise dans les rochers de l'autre côté du petit port. Elle avait le teint jaune et l'air misérable et regardait fixement au loin, les sourcils remontés. Elle tenait dans ses mains un petit rosaire et ses lèvres remuaient. « Allô, Rosauer ! » criai-je de toutes mes forces. Mais je n'entendis même pas ma propre voix. Tout à coup retentit au milieu de la tempête quelque chose comme un aboiement d'airain. Une cloche sonnait. Astif, un navire était en perdition. Sur le champ, je me mis en route. Pour aller à Astif, il fallait une petite heure, mais j'y employai deux grandes heures. Je tenais mon manteau avec mes dents et je fonçais dans la tempête, la tête en avant. Il me fallait lutter pas à pas. La tempête avait aiguisé les gouttes de pluie en aiguilles et elles se plantaient dans ma peau comme des flèches de glace. Par moments, j'étais forcé de m'arrêter pour respirer à l'abri d'une pierre, pourvu que je trouve juste autant de protection qu'il en était nécessaire pour ma tête et que je puisse aspirer quelques gorgées d'air. Quand je quittais mon abri, la tempête me saisissait, telle une sifflante courroie de transmission, et m'entraînait avec elle. Cela n'allait guère mieux pour Poupoule. Tous les 10 pas, il tournait son postérieur à la tempête et respirait entre ses pattes, la tête collée au sol. Je vis une mouette qui volait à reculons. Elle atterrit épuisée, se reposa un peu et se précipita encore une fois contre la tempête. Elle tournait comme une hélice, mais le vent était plus fort qu'elle, et elle fut de nouveau forcée de voler à reculons. La tempête l'enleva comme un morceau de papier. Elle criait, battait des ailes comme une folle, mais cela ne servait de rien. Elle dut aller où la tempête voulait. En 3 heures, elle était en Angleterre. Soudain, je me mis à siffler. Eh oui, je sifflais sans le vouloir. Le vent flûtait dans mon larynx pour s'amuser. Et en ouvrant et fermant la bouche, je pouvais siffler tout un concert. Sur la lande ruisselante traînait une fumée. Je m'arrêtais. Un épais nuage de fumée horizontale filait à toute vitesse dans la tempête. Y avait-il le feu? Est-ce qu'un bateau brûlait là-bas? Non, c'était de la vapeur d'eau. Ici, l'île était haute comme une tour, mais la tempête soufflait si violemment qu'elle arrachait la poussière d'eau des puits et des cheminées de rochers, comme la fumée d'une cheminée d'usine, et l'emportait. 3, 4 de ces colonnes de fumée balayaient l'île. Enfin, c'était Stiff. Son petit phare jaune nageait comme recroquevillé dans une ampoule. La cabane de la station de TSF était accroupie dans la lande balayée, comme une bête grise, ébouriffée. Même dans le soleil, Stiff avait un aspect si désolé, si désert et si oppressant que le mouvement du cœur s'y ralentissait. Mais aujourd'hui, c'était un désert sublunaire qui répandait l'effroi. Et comme le drapeau noir se dressait méchamment sur le sémaphore, ici, la tempête me poussait devant elle comme un paquet. Elle me portait par intervalles, et finalement je réussis tout juste à me couler de pierre en pierre à 4 pattes. J'étais à bout de souffle et j'avais le mal de mer à force d'épuisement quand j'atteignis la station de TSF. Je martelais les volets de fer. Monsieur Boucher était là, Dieu merci. Il se jeta contre la porte. « Tirez donc » cria-t-il. « Mais je tire » répondis-je. La porte se referma comme poussée par un ressort. « Est-ce qu'à 2 hommes, nous ne serions pas en état d'ouvrir une misérable porte ?» Monsieur Boucher passa un gourdin dans l'entrebâillement. Je tirai, et la porte vola avec fracas contre la paroi. Elle y resta comme vissée. Nous faisions des efforts d'Hercule, la pluie nous fouettait le visage, la tempête nous arrachait la chair des os. Enfin, on dit qu'il y a un navire en détresse, monsieur Boucher. Regardez par ce hublot, il est là en bas. Ne le voyez-vous pas? Un bateau de pêche. Oui, maintenant je le voyais. Une voile minuscule palpitait tout au fond, là-bas, entre les coiffes d'écume. « Eh bien, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas sortir en pleine mer, ni rentrer dans la baie. Ils seraient jetés contre les brisants. » Monsieur Boucher mit sur sa tête l'étrier d'acier portant le récepteur et s'assit devant l'appareil. « Je viens de surprendre une conversation entre un vapeur et Lisa. Je crois qu'un navire s'est échoué. Lisez cela. Non, maintenant je n'entends plus rien. » C'était une dépêche adressée à Lisa par le Celtic de la compagnie Cunard. Le Celtic télégraphiait qu'il avait vu passer le charbonnier Full Speed à 15 000 au sud de Silly Island, sans mât ni cheminée, machine en bon état. « Bon, maintenant je continue ma route. Merci bien, monsieur Boucher. » il fallait descendre. Aujourd'hui encore, se met une énigme. Comment Poupoule et moi, nous avons descendu le chemin abrupt de la baie, mais nous arrivâmes en bas. C'est un fait. Un petit tas de pêcheurs était accroupi dans les anfractuosités des rochers. Le hangar où se trouvait le bateau de sauvetage était ouvert. Il ne pouvait pas naturellement sortir vers la petite voile palpitante. Il était même impossible de mettre le bateau à l'eau. Ils étaient là, les mains dans les poches, sans rien dire, et ils fixaient le large à travers la fente mince des paupières contractées. À la hauteur d'une maison, les drapeaux d'écume passaient par-dessus leur tête. Devant la porte du hangar était assise une femme avec deux enfants, et tous trois suivaient sans un mouvement la petite voile qui palpitait en rond. La femme avait des yeux durs et un rire froid et méprisant. « C'est la femme du patron, là-bas, me dit un pêcheur. Ils sont trois hommes à bord. Il y a déjà 24 heures qu'ils sont en mer. Ils n'ont qu'une miche de pain et une bouteille de goutte. Ils ne peuvent plus tenir longtemps. Ils sont fichus. » Quand je rentrais chez moi, la villa des Tempêtes était comme couverte d'une lèpre. Des ballots d'écume tourbillonnaient dans l'air. La fureur de la marée déchirait l'eau entre les brisants en une mousse sale que le vent emportait par blocs entiers. Devant ma porte, il y en avait un pied d'épaisseur, et la lande en était couverte au loin. La tempête avait léché l'intérieur de ma grande cheminée comme avec la langue. On ne voyait plus un grain de poussière dans ma chambre. Cette nuit-là, je dormis peu. Je pensais continuellement à la petite voile qui palpitait en rond à Stiff. Cela faisait maintenant 30 heures qu'ils étaient dehors, et toujours en cercle. Ils pouvaient naviguer dans un cercle de peut-être 200 mètres de circonférence. C'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Et éloignés de terre d'à peine un demi-mille, hein ? Ils voyaient le feu de Steve devant eux, droit devant leurs yeux. De jour, ils avaient vu distinctement le drapeau noir sur le sémaphore. C'était la mort qui pavoisait là-haut. C'était leur mort. Peut-être voyaient-ils des maisons où on pouvait s'accroupir en sûreté derrière les épaisses murailles et boire et manger. Ils tournaient en rond, ici, devant la mort qui jouait avec eux. La nuit était pleine d'un tapage indescriptible. L'embrun bouillonnait sur mon toit et ruisselait le long des murailles. Des averses crépitaient, tumulte et vacarme. On eût dit à l'entendre qu'un gorille géant était accroupi dans les rochers et tambourinait sur son ventre avec ses poings. Des cris déchiraient l'air comme si des hommes étaient jetés à bas des rochers et criaient dans leur chute. Des rires, des jurons. C'étaient tous les marins qui s'étaient noyés là-bas, qui criaient et levaient le poing contre les rochers. Ils gémissaient, car ils ne devaient jamais revoir leur foyer. Tous les navires qui avaient échoué là remontaient encore une fois cette nuit. Ils craquaient, éclataient, sombraient. Et à travers ce vacarme, j'entendais le glas de la mer. Elle était retournée jusque dans ses fondements. Sous les flots, des cloches monstrueuses, bêtes antiques et velues, ballottaient en grondant. Boumba, boumba. Mais du vacarme, j'entendis distinctement sortir un hurlement, l'effroyable hurlement d'une voix isolée. Elle plaidait avec Dieu et l'enfer et ne pouvait en venir à bout. C'était Poupon l'assassin dont la mère ne voulait pas. L'entends-tu ? Par moments, il poussait un cri et se jetait à la mer, mais il revenait toujours, hurlant, maudissant Dieu et le monde. Il lançait des rochers à la face du Créateur. Des rochers, entends-tu ? La partie de la lande où se trouvait ma maison s'appelait le cimetière anglais. 200 ans auparavant, une flotte anglaise de 40 voiles s'était échouée là, et les cadavres couvraient le rivage. On les avait enterrés sur place, et maintenant eux aussi entendaient qu'il se passait quelque chose là-haut, et ils sortaient. Ils huchaient et vacarmaient, des centaines et des centaines de voix se confondaient, et pourtant je croyais comprendre chacune d'elles. La maison les gênait, il leur fallait démolir quelque chose, car ils étaient devenus furieux. Ils se jetaient contre elle le dos en avant. Ils poussaient la porte avec leurs pieds et riaient. « Ouvre, ouvre donc, you damn rascal !» Je les entendais tout à fait distinctement. J'entendais même qu'ils parlaient anglais. Sur le toit. Bon, voilà qu'ils étaient aussi sur le toit. Ils s'y roulaient, brisaient mes tuiles, et finalement beuglaient dans la cheminée. une foule à la fois. « Ah ah, oh oh, son of a bitch, oh oh !» Je m'assis sur mon séant et mes cheveux étaient dressés sur ma tête un à un. Alors un sifflement strident passa sur la maison, un traînement, et je les entendis s'éloigner. J'entendis le dernier glisser à bas du toit. Il galopait par la lande en huant. Comme un éclair, tous ensemble, par centaines et centaines, j'entendis leur huée se perdre peu à peu dans le lointain. La voile ? Oui, la petite voile palpitante, astif. Là, il y avait du travail pour eux. Là, il y avait quelque chose à faire. Peut-être qu'ils viennent juste de sombrer, pensais-je tout haut, et je frissonnais.